y a 3 ans, l'ESO et l'EHT, l'Event Horizon Telescope, révélaient la toute première image d'un trou noir supermassif, celui de la galaxie M87. Une image composée à partir d'observations menées en 2017 par 8 télescopes répartis à la surface du globe et mises en réseau grâce à la technique de l'interférométrie. 3 ans après, c'est une deuxième image qui nous parvient à partir de l'analyse de ces mêmes observations de 2017, mais cette fois, c'est l'image de notre trou noir, Sagittarius A étoile au centre de notre voie lactée, qui a été révélée. On vous dit tout sur la technologie derrière cette image, la science qu'elle confirme, celle qu'elle ouvre et les nombreuses questions qui restent en suspens. Sagittarius A étoile, le trou noir d'à côté, c'est le programme supermassif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout nous raconter sur l'histoire de cette image, sur ce qu'elle nous raconte elle-même, sur ce qu'elle nous apprend et ce sur quoi elle ouvre le futur de l'astronomie et de l'astrophysique, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Combes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, professeur au Collège de France et médaille d'or du CNRS. Et nous sommes en ligne avec David Elbaz. Bonjour. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes astrophysicien, directeur scientifique du département d'astrophysique de Saclay. On passe à Sagittarius à étoile dans quelques minutes. Mais on commence par celle qui fut, j'en suis sûr, la première à vous l'annoncer. Toujours un coup d'avance, cette Natacha Trilliou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude publiée dans la revue Energy Policy qui a recensé toutes les bombes carbone ou bombes climatiques de demain. Oui, cette équipe internationale a cartographié tous les projets clés de combustibles fossiles. À partir d'une base de données payante qui vient d'un bureau d'études d'analyse pétrolière et gazière, les auteurs ont identifié 425 gros projets d'extraction de combustibles fossiles. Pétrole, charbon, gaz, qui sont déjà en cours de production ou en genèse. C'est 195 projets pétroliers et 230 mines de charbon. Les trois quarts sont concentrés dans 10 pays. La Chine, la Russie, les États-Unis, l'Australie, l'Inde, le Canada, l'Irak, le Qatar, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Puis les auteurs ont calculé les émissions de CO2 potentielles qui pouvaient être générées si on brûle tous les combustibles qui pouvaient être extraits de ces projets. Si toutes ces énergies fossiles sont brûlées, nous dépassons très largement les objectifs des accords de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement planétaire en dessous de 1,5 degré. Selon cette étude, l'urgence est de désamorcer ces bombes climatiques. Natacha Gondran est enseignante-chercheur à l'École des mines de Saint-Étienne dans le laboratoire Environnement, Ville et Société. Donc il présente une méthode qui est scientifiquement très propre. Et ils estiment que si on brûle les combustibles fossiles qui sont contenus dans toutes ces bombes climatiques, entre guillemets, cela émettrait 2 fois le budget d'émission maximale que l'on pourrait se permettre d'émettre si on veut rester dans une augmentation de température moyenne mondiale de 1,5 degré. Il y a 40% de ces 425 projets qui n'ont pas encore démarré leur production. Ça veut dire qu'on peut encore les fermer. C'est ça, et c'est ce qui est effectivement discuté dans la fin de l'étude, qui réfléchit à justement comment éviter ça en fait, puisque si ces projets vont au bout, ça peut être dramatique pour le climat, mais ils ont toute une réflexion qui intègre justement aussi les enjeux géographiques pour essayer de voir comment éviter d'ouvrir ces nouvelles exploitations. Et l'autre chose aussi intéressante qui souligne, c'est que dans certains pays, il y a des mouvements sociaux qui permettent de bloquer les mines et les infrastructures des combustibles fossiles, comme les pipelines. Mais ils ont une carte assez intéressante qui montre que finalement, la plupart de ces fameuses bombes climatiques, elles sont surtout situées dans des pays où il n'y a pas de mouvements sociaux, comme le Moyen-Orient, la Chine et la Russie. Et bien, avec la hausse des prix de l'énergie aujourd'hui, ça rend rentable des projets d'extraction des combustibles fossiles qui jusqu'à présent n'étaient pas rentables. C'est ce fameux lien avec la finance. Il y a des enjeux qui sont très complexes. Ils parlent de l'enchevêtrement du carbone. C'est le fait que les actifs financiers des mines de charbon ou des puits de pétrole sont pour une dizaine de pays, donc les pays cités dans cet article, donc par exemple les USA, la Russie et la Chine, parmi les plus gros, ils sont intimement liés au fond des gouvernements et des entreprises de ces pays. Si ces pays désinvestissent ou n'investissent pas davantage dans les combustibles fossiles, eh ben, ça leur pose des problèmes pour leur fonctionnement, le fonctionnement de leurs entreprises et le fonctionnement de leur État, de leurs services publics, etc. Voilà, à la fin, les auteurs appellent à des négociations internationales sur le sujet. En fait, ils plaident pour un traité de non-prolifération des combustibles fossiles, par exemple. Voilà, en attendant, n'oubliez pas de fermer l'eau quand vous vous brossez les dents, bien entendu, si vous voulez retrouver cette étude effectivement assez préoccupante publiée dans Energy Policy. Bien, comme chaque jour, on vous met le lien sur notre fil Twitter et sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans Nature Communications, nous avons peut-être identifié l'hormone de la longévité. Une équipe américaine a travaillé sur l'hormone FGF21, une hormone du métabolisme énergétique, connue pour ses avantages sur la santé métabolique et pour réguler l'apport en sucre. Au cours de différentes expériences sur des souris, les chercheurs ont découvert que cette hormone augmente leur durée de vie, réduit leur fragilité, diminue leur poids corporel et améliore leur performance physique et leur tolérance au glucose. À l'inverse, les souris déficientes en FGF21 ont eu, elles, des performances physiques réduites et une durée de vie plus courte. Cette hormone est également présente chez l'humain, mais on ne sait pas si elle confère les mêmes effets anti-âge que chez la souris. Selon une étude parue dans Astronomy and Astrophysics, nous avons découvert plus de 1000 nouveaux astéroïdes. Ils étaient cachés dans les données du télescope spatial Hubble. Et il a fallu plus de 11 400 scientifiques citoyens pour les débusquer. Il s'agit du projet de science citoyenne Hubble Asteroid Hunter, lancé en 2019, qui consiste à analyser les observations du télescope et ses 37 000 images prises entre 2002 et 2021. Les traînées d'astéroïdes laissent dans les images des formes de stries courbées, donc les chercheurs ont d'abord classifié ces images, puis ils ont formé un algorithme d'apprentissage automatique pour en débusquer de nouveau. Ces objets ont échappé à notre surveillance car ils sont généralement beaucoup plus petits que ceux observés depuis la Terre. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Zootaxa, nous avons découvert une nouvelle espèce de salamandre. Les hautes terres de l'ouest du Panama restent des régions assez peu explorées. Sur la cordillère de Talamanca, la plus haute chaîne de montagnes du sud de l'Amérique centrale, les chercheurs ont observé une nouvelle salamandre du genre Bolitoglossa. Cet amphibien se distingue de ses congénères par sa coloration dorsale et ventrale, d'un rouge vif, par sa palmure des doigts et des orteils et par un grand nombre de dents. Les analyses ADN ont ensuite confirmé qu'il s'agissait bien d'une nouvelle espèce. Voilà une très belle image de cette nouvelle salamandre sur notre fil Twitter. Merci Natacha et à demain pour le prochain journal des sciences. Comment se fait-il qu'on ait obtenu l'image du trou noir de notre Voie lactée à 27 000 années-lumière peu ou prou, 3 ans après celui d'une galaxie à 50 millions d'années-lumière? Comment expliquer que deux trous noirs aussi différents par la taille et l'activité soient aussi ressemblants sur les images que l'on en obtient? Quelles sont ces trois petites boules lumineuses qui entourent cette image de Sagittarius à étoiles? Comment ont travaillé 8 radiotélescopes répartis sur 4 continents pour obtenir une seule et même image? Comment naissent ces trous noirs supermassifs apparus au tout début de l'histoire des galaxies? Comment ont-ils pu se former? Pourquoi chaque galaxie a en son centre un trou noir supermassif proportionnel à sa taille? D'où vient cette universalité? À quoi servent tout compte fait ces trous noirs? Pourra-t-on dans un futur proche les voir mieux, améliorer la définition ou en voir d'autres? Celui par exemple de la galaxie d'Andromède? Comment enfin une simple image peut générer toutes ces questions et encore bien d'autres auxquelles nous allons tâcher de répondre dans l'heure qui vient? Mais pour commencer, après avoir vu notre trou noir galactique, je vous propose de l'écouter. Alors, ce n'est pas une émission d'ASMR avec le bruit de l'océan, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, François Ascombe, précisément? Je suppose qu'ils ont transformé les ondes électromagnétiques en son, puisque dans l'espace, le son ne se propage pas, donc on n'aurait rien pu entendre. Et donc, je suppose qu'il s'agit donc du gaz qui tombe sur le trou noir et qui a une période qui est entre un quart d'heure et 30 minutes. Donc, ça peut faire un petit peu comme des vagues, et c'est pour ça qu'on a l'impression de vagues de l'océan. David Elbaz, un mot peut-être sur cette image que l'on a vue. Peut-être que vous pouvez l'un et l'autre nous la décrire avec vos propres mots et puis nous raconter un peu ce que ça vous a fait, vous, finalement, de voir cette image que l'on attendait certainement depuis quelques années maintenant. On savait qu'elle allait survenir un jour ou l'autre. Oui, c'est vraiment émouvant parce que un trou noir, par définition, c'est ce qu'on peut pas voir. Et là, voir l'ombre du trou noir, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a vécu déjà cette émotion-là avec celui de la galaxie Messier 87, qui est à peu près 1500 fois plus massif et plus loin que le nôtre. Et du coup, qui apparaît à peu près à la même taille, les deux, ce qu'on pense. Mais là, c'est vraiment notre voisinage. À l'échelle cosmique, le trou noir de la Voie lactée, on a un lien d'affinité avec lui, d'une part parce qu'il est près de nous, et aussi peut-être parce que on s'interroge sur son rôle dans la naissance des étoiles, l'histoire, la vie de notre galaxie, peut-être même qu'il a joué un rôle dans l'émergence, même pourquoi pas, du système solaire. Donc c'est quelque part un pan de notre histoire qui est révélé par cet être le plus mystérieux qui existe et qu'on voit. C'est une chose dont on n'aurait pas pu rêver il y a des années, hein. C'est vraiment extraordinaire. Mmh. Et vous, Françoise Combes, pareil ? Oui, en fait, je pense que c'est assez extraordinaire de voir cette image. En fait, on avait déjà vu il y a 3 ans, comme l'avait dit, en 2019, l'image, la première image, Messier 87. Et en effet, on se demandait pourquoi il ne l'avait pas d'abord fait tout près de chez nous. Mmh. Et en fait, c'est simplement parce qu'il est tout petit. En effet, il est 2000 fois plus petit en masse, à peu près, et il est 2000 fois plus loin. Donc finalement, en taille angulaire, c'est la même chose. Donc se demander pourquoi ils ne peuvent pas le voir, ils ont la résolution angulaire pour le faire. Seulement, il est tellement petit que la période est très courte. On avait dit un quart d'heure à une demi-heure. La période, c'est la période de rotation du gaz autour. Simplement, la période de révolution, comme la Terre tourne autour du Soleil, un petit peu pareil. Et donc pour Messier 87, ça dure 2 mois. Donc on avait le temps. Avec toute la technique de l'interférométrie, de s'établir et de regarder quelque chose qui ne bouge pas pendant qu'on l'observe. Là, ça bouge pendant qu'on l'observe, on en détecte plusieurs heures. Et donc pendant plusieurs heures, on a plein de gaz qui spirale, qui tombe, et c'est très difficile d'attraper quelque chose qui bouge tout le temps. Mmh. Donc finalement, ils ont mis 5 ans. On se demandait, on pourrait s'interroger, arriveront-ils finalement à l'attraper et à faire des modèles pour... C'est une image qui est reconstruite à partir de modèles. Donc ils ont fait énormément de modèles, des milliers de modèles, pour pouvoir retirer un petit peu cette image qui ressemble beaucoup à celle du Messier 87. Parce que justement, ce qui est passionnant, c'est de raconter un peu l'histoire de cette image. Il faut déjà préciser que cette image, ça n'est pas une photographie. Voilà, ce n'est pas une photographie, on fait une interférométrie. Donc on prend des signaux qui viennent, alors il y a un télescope en France, près de Grenoble, dans les Alpes. Noéma, et ensuite il y a aussi l'IRAM à Grenade, le 30 mètres, l'antenne de 30 mètres en radioastronomie, donc c'est à 1,3 mm de longueur d'onde. Radioastronomie, et, rappelons que ce sont des antennes, ce ne sont pas des télescopes avec des miroirs, ce sont des antennes En quelque sorte, le 30 mètres ressemble à un miroir, parce qu'en fait c'est une antenne, oui, mais c'est une parabole. Et la surface est tellement bien précise que on dirait presque un bol. Miroir. Il n'y a pas une grille comme on pouvait le voir en centimétrique. Donc c'est une parabole. Et en fait, on a aussi un télescope comme de cette longueur d'onde-là dans le pôle sud. Apex et Alma, c'est-à-dire au Chili, on a des super antennes millimétriques. Et puis aussi à Hawaï et aussi au Mexique et aux États-Unis. Donc tous ces télescopes vont se mettre ensemble pour avoir une ligne de base qui fait le diamètre de la Terre, donc 10 000 km, et avoir une résolution spectrale qui correspond à un télescope qui aurait 10 000 km de taille. Donc c'est ça l'exploit, en fait, c'est on ne peut pas le combiner tout de suite. En fait, ils ont des horloges atomiques qui précisent le temps avec une très très très grande précision. Et ensuite, ils font arriver les bandes magnétiques et ils combinent les résultats après. Donc ils font interférer les signaux en sachant un petit peu exactement à quel moment ça a été précisément ce photon-là est arrivé. C'est ça qu'il faut bien peut-être préciser et expliquer, David Elbaz, c'est que technologiquement, en fait, on synchronise à une précision atomique. C'est-à-dire, je pense que on est à 10 puissance moins 13 de précision. Enfin, c'est-à-dire qu'on synchronise pour faire en sorte que ces signaux et que les signaux que l'on reçoit de l'espace, d'endroits radicalement différents, donc qui arrivent forcément à des moments différents, soient totalement mis en phase et synchronisés pour ensuite pouvoir être interprétés par des supercalculateurs. Oui, exactement. Donc, en fait, on est vraiment dans une situation où on veut regarder l'univers comme si on avait un seul miroir. Et ce qu'on appelle l'interférométrie, c'est imaginons un énorme miroir qui aurait la taille de la Terre. Et puis j'en enlève un morceau. Par exemple, imaginons que la Suisse dise qu'elle ne veut pas avoir un morceau de miroir au-dessus de son pays. Et donc il y a un trou. Et puis chaque pays commence à demander d'enlever un morceau de miroir et finalement on reste avec quelques morceaux disséminés. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va collecter moins de lumière, donc il faudra avoir une pause plus longue, mais du fait de la dispersion de tous ces morceaux de miroir un peu partout à la surface de la Terre, l'image sera aussi précise que celle du miroir dans son ensemble, à une seule condition, c'est que la lumière étant une onde avec des creux et des bosses, il faut que l'on conserve l'image synchrone, simultanée, qui est captée par chacun des télescopes. Et c'est pour ça qu'on a besoin des horloges atomiques et d'un corrélateur qui est un super calculateur super puissant, qui est le cerveau, qui va prendre tout ça, l'ingérer et délivrer une quantité prodigieuse de données qui ont besoin de super calculateurs pour être analysés. Alors là, vous parlez de lumière comme si on regardait dans l'optique. Il faut préciser aussi que sur ces radiotélescopes, on ne regarde pas à cette longueur d'onde-là. Françoise Combes, on regarde à une longueur d'onde beaucoup plus petite. En fait, vous pensez qu'on fait de l'hétérodynage, c'est-à-dire qu'on descend en fréquence, on fait une petite mélange, on mélange dans le récepteur pour avoir une fréquence intermédiaire. Mais en fait, on regarde quand même cette fréquence-là à 1,3 mm, bon, ça fait des gigahertz, 230 gigahertz, et ce qu'on a l'habitude finalement dans la fréquence radio. Mais si, on regarde bien ces fréquences-là et ensuite on le fait tomber, on amplifie à des fréquences intermédiaires, mais ça remonte toujours à la bonne fréquence. Et alors, du coup, il y a donc trois parties, l'acquisition, la synchronisation, l'interprétation, et c'est là peut-être aussi qu'il faut voir le travail titanesque qu'il y a, parce qu'il y a des quantités de données absolument monumentales. Les temps d'observation, c'est ce qu'on disait, ce sont des temps très très longs, c'est-à-dire que la campagne d'acquisition a eu lieu en 2017, et on observe des points fixes pendant plusieurs heures, je crois même que pour M87, c'était pendant des dizaines d'heures, en tout cas on utilisait vraiment quasiment toute la nuit entière d'observation. Et ensuite il faut réussir à interpréter cette image, et là pour interpréter ces signaux et les retranscrire en image, il faut là aussi un sacré paquet de travail, d'analyse, de réduction du bruit, et sur des données qui sont aussi considérablement importantes. David Elbaz. Oui, tout à fait. D'abord, une première précision sur la raison pour laquelle on a observé le trou noir au centre de la Voie lactée à cette longueur d'onde de 1,3 mm. Vous imaginez, un photon, une particule de lumière, c'est une particule, et c'est tout petit. Les photons visibles, c'est 0,6 micromètres. Là, 1,3 mm, c'est plus gros que l'épaisseur d'un cheveu, c'est quelque chose qu'on peut voir. Alors pourquoi on a choisi ça ? Parce que si on voulait regarder le centre de la Voie lactée dans le domaine visible, eh bien, il y a tellement de poussière entre nous et le centre de la Voie lactée que sur 10 milliards de photons qui partiraient de là-bas, un seul nous arriverait. Et donc, si on voulait collecter une image similaire dans le domaine visible, il faudrait des centaines de millions d'années de pause. Donc, c'est totalement impossible. Et donc, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ensuite, une fois qu'on a collecté cette information-là, on se retrouve avec des tas de trajets lumineux qui viennent d'une part du fait que la lumière ne voyage pas dans le vide entre le trou noir et nous, entre le gaz qui tourne autour du trou noir et nous, il y a des nuages de poussière, il y a tout un tas de parcours lumineux qu'ont dû reproduire les modèles, et puis on a des parcours qui viennent de chacun des télescopes, de chacune des positions, et donc ça donne tout un tas d'images possibles. Et face à ces milliers et milliers d'images possibles, ce qu'ont fait les astrophysiciens, c'est qu'ils ont testé tous les modèles qui pouvaient être compatibles avec ces images, et malheureusement, du fait de la très forte variabilité de Sagittarius A star, il faut 4 minutes à la lumière pour en faire le tour, alors qu'il faut 14 jours à la lumière pour faire le tour de MSC 87. Du fait de cette forte variabilité, ils ont dû faire une image qui est la moyenne de plusieurs images. C'est pourquoi ce que l'on voit là n'est pas ce qu'on verrait si on avait une capacité de vision instantanée du trou noir, mais est une vision un peu floue du fait de la capacité de résolution du télescope et qui combine un peu plusieurs moments. Mais c'est quand même un exploit extraordinaire. Et alors, François Sombe, qu'est-ce qu'on verrait si on avait une capacité de vision instantanée du trou noir par rapport à cette image qui nous est délivrée ? Oui, alors si on a une vision instantanée, on verrait le gaz tomber. Parce qu'en fait, il s'agit du gaz qui tourne un petit peu, orbite autour du trou noir, mais il finit par tomber. Et donc, on voit comme des spirales un petit peu qui, finalement, lorsque leur lumière arrive à l'anneau de lumière, qui amplifie beaucoup par l'antigravitationnel, finalement, la lumière. Alors finalement, il tombe dedans et il tombe dans l'ombre. Et l'ombre, ça veut dire que tous les photons qui sont là, en fait, il y en a plein de photons, mais ils sont absorbés par le trou noir et ils ne viennent pas vers nous. Donc on voit cette ombre. Et je voudrais dire quand même, pour rebondir sur ce que disait David, ce que la lumière visible ne permet pas de le voir, parce qu'il y a beaucoup de poussière dans la Voie lactée. Par contre, on est arrivé à le voir en infrarouge proche, à 2 microns de longueur d'onde. Et là, il faut signaler quand même les beaux résultats de Gravity, au VLTI, qui est l'interféromètre optique de l'ESO, qui en 2018 a quand même fait aussi le même exploit, en fait. Mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile, parce que l'atmosphère n'est pas très stable en infrarouge proche, donc ils ne peuvent pas faire d'image, mais ils ont suivi un petit boule de gaz qui tournait autour du trou noir à la vitesse de 100 000 km par seconde. Donc vraiment, c'est un peu le même gaz. Et ils ont vu que l'anneau était vu de face aussi. Mmh. Ils ont déjà un petit peu préparé cette image. Mais figurez-vous qu'on va en parler tout à l'heure, parce que c'est notre reportage du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc de cette image historique, première image produite par le génie et la technologie humaine du trou noir Sagittarius à étoile du centre de notre Voie lactée. Peut-être qu'on peut rappeler, parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut paraître assez surprenant, David Elbaz, que ce trou noir, on a conscience, ce trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, on a conscience de son existence depuis très peu de temps. Oui, en fait, donc on fait remonter la découverte de cet objet au début des années 70, en 1974, où deux astronomes, Balick et Brown, ont découvert une source d'émission radio au centre de la Voie lactée, dans la région de la constellation du Sagittaire, d'où le nom Sagittarius. Et comme Robert Brown a trouvé que cette source était vraiment excitante, et que lorsqu'un atome est excité, on lui met une étoile, on dit star, ils l'ont appelé Sagittarius A star, parce que la source est vraiment excitante. Et ensuite, les années qui ont suivi ont permis de nombreuses observations à différentes longueurs d'onde, de voir la variabilité, et donc on a eu progressivement la confirmation d'existence de ce trou noir. Il faut voir que l'idée même du trou noir, ça date du XVIIIe siècle. Laplace et Mitchell avaient déjà imaginé cela, mais malgré tout ce qui a été fait au début du XXe siècle, en 1939, Albert Einstein a écrit un article dans lequel il démontrait plus ou moins scientifiquement qu'il était impossible qu'un trou noir existe physiquement dans la Voie lactée. C'était pour lui inimaginable, même si théoriquement, d'après sa théorie, il pouvait exister. Donc c'est quand même un grand défi, et c'est pour ça que ça le rend encore plus incroyable, parce que non seulement on le voit, mais il valide la théorie d'Einstein à une précision de 10%. Oui, et il faut se rappeler que alors donc le Sagittarius à étoile finalement donc années 70 on a des premières preuves indirectes de son existence dans les années 90, donc c'est tout récent, hein, c'est il y a 30 ans. Et ce qui est amusant, c'est que même les trous noirs, si ils sont on imagine leur existence, comme vous le disiez, au 18e siècle, qu'ils sont ensuite théorisés par Einstein et par Schwarzschild en 1915, jusque dans la deuxième partie du 20e siècle, David Elbaz, il y a des disputes entre astrophysiciens et astronomes sur la réalité, sur la matérialité des trous noirs, et il y a peut-être même une petite anecdote assez amusante à raconter entre Penrose et Hawking à propos de la découverte de Cygnus X1. Tout à fait. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, Hawking, bon, est assez blagueur, et il avait envie d'avoir une preuve des trous noirs, hein, mais en même temps, il se disait que bon, on n'en avait pas vraiment. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un pari avec Kip Thorne, en fait. Ah, c'est Kip Thorne, c'est pas Penrose, pardon. Voilà, celui des ondes gravitationnelles, aussi. Voilà. Et donc en 1975, il lui a dit voilà, si on arrive à prouver que cette source qui s'appelle Cygnus X1, qui a été découverte en 1964, qui était le meilleur candidat pour qu'il y ait un trou noir, est un trou noir, alors je t'offre un an d'abonnement au magazine Penthouse. Et quelques années plus tard, 10-15 ans plus tard, bon, il finit par accepter l'idée que l'existence d'un trou noir dans Cygnus X1 est probable à 95% près, donc il considère que c'est assez pour valider le fait qu'il a perdu son pari. Et donc, il va dans le bureau de Kip Thorne un jour où il n'était pas là et il lui dépose le reçu de son abonnement pour un an à Pentagon. les astronomes ont un sens de l'humour parfois un peu particulier. Revenons à cette image et à ce qu'elle nous enseigne dans un premier temps, parce qu'elle nous enseigne à la fois et elle confirme certaines choses et elle ouvre aussi un certain nombre de questions qu'on abordera dans la deuxième partie. La première chose, Françoise Combes, c'est qu'elle est très similaire à M87 étoile, à l'image qu'on a de Messier, alors que ce sont deux trous noirs supermassifs très différents. Est-ce que c'est une bonne chose que ce soit à ce point-là similaire ou est-ce que c'est une surprise? Non, c'est pas une surprise du tout. On s'y attendait puisque justement la taille angulaire doit être à peu près la même chose. L'horizon du trou noir est proportionnel à sa masse. Donc la masse étant 2000 fois ou 1500 à 2000 fois plus grande, on s'attend à trouver un rayon avec ce même rapport. Et comme la distance est 2000 fois plus grande aussi, par coïncidence, on devrait avoir la même taille angulaire, donc ça se ressemble beaucoup. Mais si je reviens un petit peu à ce que vous avez dit auparavant pour l'histoire, en fait, il y avait en effet Hawking et puis Kip Thorne, mais il y avait aussi Penrose, comme vous l'avez dit, et c'est lui qui a convaincu les astronomes que les trous noirs existaient en 1965. Pourquoi? Parce que comme Einstein ne lui croyait pas, et tous les autres astronomes pensaient que, par exemple, lorsqu'il y a l'explosion d'une supernovae qui est capable de former un trou noir lorsque le résidu est plus grand que trois masses solaires, eh bien, on pensait que simplement les équations étaient toujours résolues dans le cas sphérique, homogène, etc., et que ce n'était pas physique. Donc ce qui allait arriver, c'est que cette étoile était tout à fait anisotrope, avec plein de moments angulaires, de rotation, et la matière allait se disperser complètement. Mmh. C'est pour ça que personne n'était convaincu qu'on allait pouvoir concentrer la matière en un point. Et personne n'avait pu résoudre ces équations dans le cadre non sphérique. Et Penrose a eu l'idée de le faire par topologie. Donc il a démontré par topologiquement que c'était indispensable que toute la matière soit concentrée au centre. Mmh. Il a convaincu que ce soit des trous noirs. C'est pour ça qu'il a eu la prix Nobel en 2020. Mmh. Et aussi, ça correspondait à la période où on a découvert les quasars en 1964. Justement, Martin Schmidt avait découvert que il y avait des quasi-stars, donc des quasars, qui émettaient une lumière fantastique parce qu'ils étaient très très loin. Il avait regardé le décalage vers le rouge et il était possible d'avoir une telle énergie, bien plus grande que l'énergie nucléaire des étoiles, que par un trou noir. Donc tout ça arrivait au même moment et donc on a été convaincu en 1965 que les trous noirs existaient. Alors d'abord les petits trous noirs, petits trous noirs de masse stellaire comme Sinus X, et puis ensuite on a découvert avec le Hubble Space Telescope, dans les années 90, que dans chaque centre de galaxie, il y avait des trous noirs supermassifs, cette fois-ci de millions à des milliards de masses stellaires. Donc c'est arrivé progressivement, en effet. Aujourd'hui, donc, on est convaincu de l'existence de ces trous noirs supermassifs, avec un certain nombre de questions, d'ailleurs, qu'on abordera tout à l'heure. Mais si on en reste un peu à la description et aux enseignements de cette image, Françoise Combes, par exemple, pourquoi est-ce qu'on voit trois espèces de petites boursouflures un peu plus importantes? Est-ce que c'est un effet de flou ou est-ce que ça correspond à quelque chose de précis? Non, ça correspond à quelque chose de précis. Alors d'abord, certainement, parce que en effet, on intègre beaucoup de spirales qui tombent et elles tombent sur des endroits différents, mais aussi parce que le disque d'accrétion, c'est-à-dire le disque dans lequel spirale tout ce gaz, il est vu presque de face. Alors, justement, s'il était vu un tout petit peu avec une inclinaison, un peu comme Messier 87, qui lui est brillant d'un côté et un peu moins brillant de l'autre, parce qu'il y a une inclinaison et que le gaz est relativiste, hein, donc il y a un boost, enfin une amplification de lumière, parce qu'il arrive vers nous avec une vitesse relativiste, qui fait qu'un côté est plus brillant que l'autre. Et ça, il faut qu'il soit incliné, parce que s'il est de face, il vient avec la même vitesse. Et donc si Sagittarius A avait la même inclinaison que Messier 87, on verrait quand même aussi le même effet, un côté plus brillant que l'autre, même s'il y a un ou deux, trois. Alors là, les trois sont vraiment presque axisymétriques. Il y a beaucoup d'axisymétrie dans ce... Et donc, moi j'en conclus que, là, et je pense que tous les articles qui ont été publiés par la collaboration de l'Event Horizon en déduisent aussi que l'inclinaison est très faible. Ils n'arrivent pas à la quantifier parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. On a vu que l'image est un peu floue, donc on n'arrive pas à préciser vraiment la position de tous les points. Mais en fait, elle est vraiment axisymétrique. Elle n'est pas plus brillante d'un côté que de l'autre. Donc on peut en déduire que le disque d'accrétion est presque vu de face, et ce qui correspond à ce qu'avait dit Gravité aussi. David Elbaz, justement, sur cet angle par lequel on voit ce trou noir Sagittarius à étoile, ce qui est assez dingue, c'est que quand on compare ces deux images, celle de Messier 87 étoiles et Sagittarius à étoile, aux images de simulation numérique qui sont produites de disques d'accrétion en 1989, on peut quasiment les superposer, en fait. C'est-à-dire qu'on avait vraiment totalement anticipé exactement les différentes formes, précisément en fonction de l'angle d'inclinaison à partir duquel on pourrait percevoir et imager ces trous noirs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un très beau dessin de Jean-Pierre Luminet, oui, qui date de 1979, je crois, qui est tout à fait réaliste et qui est vraiment visionnaire, mais scientifiquement pertinent à l'époque, encore aujourd'hui. Ce qui nous dérange en tant que scientifiques dans le succès de ces observations, c'est que... La déraisonnable efficacité de l'astrophysique. C'est ça. Et voilà. C'est qu'on aimerait tant qu'il y ait une faille. Parce qu'en fait, on sait qu'au centre du trou noir, la théorie d'Einstein achoppe. Et donc, on est comme des enquêteurs de police qui cherchent un indice d'une piste qui pourrait nous permettre de voir au-delà. On ne peut pas voir à l'intérieur du trou noir, donc on cherche une piste qui nous permettrait de trouver une façon d'aller au-delà de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Or, en étant au plus près où on peut aller d'un trou noir, et dans deux cas extrêmes, la théorie résiste. Alors, la différence qu'il y a entre les deux, c'est que le trou noir au centre de la Voie lactée, il est moribond, il est à jeun, voilà, presque, il mange un peu de temps en temps, mais c'est vraiment quasiment rien. Alors qu'on parle d'un trou noir dormant, tandis que l'autre est un noyau actif. C'est-à-dire qu'il mange, alors il ne mange pas énormément, mais il mange quand même suffisamment pour faire des jets de matière super puissants. Et on se disait peut-être qu'il va y avoir une différence. Mais en réalité, comme le disait si bien Françoise, l'échelle à laquelle on regarde là n'est pas vraiment l'échelle où se passe la physique qui permettrait de faire des différences entre les deux, c'est-à-dire la physique du disque d'accrétion qui va produire ces jets. Là, on est vraiment sur le bord interne, là où la matière va s'effondrer en trou noir, et c'est un des objectifs futurs de l'EHT, d'aller voir à des échelles plus grandes le beignet de matière qui tourne et qui va produire ces jets super puissants qui sont un véritable mystère. On vient de vous poster justement ce fameux dessin de Jean-Pierre Luminet en 1979. On va essayer de vous poster également ces simulations numériques du disque d'accrétion qui, elles, datent de 89 et qui sont vraiment très très parlantes parce qu'elles sont effectivement extrêmement similaires aux images que l'on a maintenant. Peut-être effectivement un mot là-dessus, François Combes. Avec un regard de béotien qui est le nôtre, quand on voit ces deux images très similaires, on n'a pas l'impression que l'un des deux trous noirs soit particulièrement plus actif que l'autre. Est-ce que on le sait ça, ou est-ce que ces images le confirment? Alors, ces images ne le montrent pas, il faut bien le dire, parce qu'on ne voit pas ce qui est à plus grande échelle. Et ça, c'est normal, parce qu'on a un interféromètre qui ne regarde que des échelles bien précises et qui sont liées à la distance entre les télescopes. Si on descend à la résolution angulaire, on va commencer par voir peut-être un petit peu le jet qu'il y a dans notre propre galaxie. Il y a un petit jet, il n'est pas très actif, mais il y a un tout petit jet radio quand même. Évidemment, rien à voir avec le jet énorme qui est dans Messier 87. Alors, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on va à des longueurs d'onde plus basses, centimétriques, donc on sait faire l'interférométrie de longue base depuis des dizaines d'années en centimétrique, parce que là l'atmosphère est plus facile à gérer, et donc on connaît ça, on sait qu'autour du disque d'accrétion il y a des jets qu'on a regardé à plusieurs échelles. On regarde d'abord, il y a des petits jets qui sont comme des nuages de fumée, quoi, un indien qui envoie des signaux, donc des bouffées de fumée, et ensuite le jet va tourner, en fait, parce qu'il rencontre des obstacles dans le milieu intergalactique, et il va avoir une drôle de forme, une fumée qui se déploie, et ça on le sait depuis longtemps. La fumée comme ça, elle se déplace en dehors de la galaxie tellement c'est grand qu'il y a de la puissance, alors que le nôtre il dépasse à peine une toute petite distance. Donc on voit qu'en effet notre trou noir avale très peu de matière en ce moment. Enfin, il faut bien dire que dans le passé elle a avalé beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une, par exemple, une bulle de Fermi qu'on a regardée avec les rayons gamma. C'est pour ça que c'est le télescope Fermi qui a observé en gamma. Et on sait qu'il y a des bulles aussi en radioastronomie qui correspondent à ces bulles gamma. On pense que c'est une ancienne bulle qui a été éjectée par notre trou noir lorsqu'il était actif. Donc dans le passé, il était actif. Ces bulles de Fermi, on en avait parlé une heure entière. C'est tout à fait passionnant. On y avait consacré une émission il y a très peu de temps. On va vous remettre également le lien, qui sont des espèces de superstructures perpendiculaires aussi par rapport au centre galactique. Et c'était une émission tout à fait passionnante. On va continuer à parler de cette image de Sagittarius à étoiles. On voit un peu aujourd'hui, et on vient de faire le tour de ce qu'on y voit, de ce qu'elle nous apprend. Vous allez voir qu'elle nous ouvre également plein de portes, qu'elle pose beaucoup de questions, et on en parle dans quelques secondes musicales. Massive Black Hole de Muse à 16h35 sur France Culture, puisque c'est exactement ce dont il est question. Nous parlons de trou noir supermassif, et plus précisément de l'image du trou noir supermassif du centre de notre voie lactée. Sagittarius à étoiles, qui a été dévoilé par l'ESO et l'EHT, l'Event Horizon Telescope, jeudi dernier. Nous en parlons avec Françoise Combes, astrophysicienne observatoire de Paris, professeur au Collège de France, et David Elbaz, astrophysicien, directeur scientifique du département d'astrophysique de Saclay. Et comme Françoise Combes le soulignait très justement tout à l'heure, il n'y a pas que l'EHT qui observe le trou noir au centre de notre galaxie, mais aussi un instrument qui est installé sur le VLT, le Very Large Telescope, au Chili, sur le site de Paranal. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Cet instrument, c'est Gravity. À défaut d'être allé au Chili, vous êtes allé à l'observatoire de Paris, ce qui est pas mal non ce qui plus. Est bien aussi, le jardin est très beau en cette saison. Oui, donc cet instrument Gravity, il combine la lumière collectée par plusieurs télescopes pour constituer un télescope virtuel dont le diamètre peut atteindre jusqu'à 200 mètres. Et Sagittarius à étoiles fait partie, comme vous le disiez Nicolas, des objets étudiés par Gravity. Pierre Carvella est astronome à l'observatoire de Paris. Il a participé à plusieurs études permises par cet instrument, notamment concernant la vitesse de gravitation des étoiles aux abords du trou noir Sagittarius à étoiles. Il nous en décrit les résultats et nous explique comment ces résultats apportent des informations complémentaires à cette première image réalisée il y a peu grâce à l'Event Horizon Telescope. Gravity a été utilisé de deux manières différentes pour observer le trou noir central, donc Sagittarius à étoiles, le trou noir de notre galaxie, et également son environnement. Et dans son environnement, il y a beaucoup d'étoiles qui sont en orbite autour du trou noir, qui sont en déplacement très rapide et qui tournent autour de lui. Et grâce à l'instrument Gravity, on a pu mesurer la trajectoire de plusieurs de ces étoiles en orbite autour du trou noir, notamment l'une d'entre elles en particulier, qui s'appelle l'étoile S2, qui est une de celles qui s'approche le plus près du trou noir. Et on a pu tracer sa trajectoire autour du trou noir lorsqu'elle est passée au plus près de cet objet, je crois que c'est en 2018. Alors, ça nous a donné pas mal d'informations et notamment une meilleure estimation de la masse du trou noir. Puisque plus le trou noir est massif, plus une étoile en orbite autour de lui va se déplacer rapidement. Et donc, on a observé un déplacement ultra rapide, évidemment, de cette étoile S2 et d'autres étoiles également. Et ça nous a donné la valeur de la masse du trou noir, qui est de 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc c'est un objet très très massif. Et donc ça a permis de préciser vraiment les propriétés physiques de ce trou noir, et notamment sa masse. Il y a eu d'autres effets très intéressants liés à l'aspect relativiste de cet objet, c'est-à-dire au fait qu'il fonctionne selon les lois de la relativité générale d'Einstein. Et notamment lorsque l'étoile est passée tout près du trou noir, eh bien on a pu observer qu'elle changeait de couleur, elle devenait légèrement rouge. Et ce changement, eh bien il est dû au fait que les photons, la lumière émise par cette étoile, doivent sortir du potentiel gravitationnel du trou noir, et ce faisant, ils perdent de l'énergie. C'est-à-dire que une partie de leur énergie est absorbée par le champ gravitationnel du trou noir et ça change leur couleur, ça les rend plus rouges. Il y a d'autres types d'études aussi qui ont été faites avec Gravity, plus centrées sur le trou noir lui-même. Et en particulier, on a observé la position très très précise du trou noir. Alors le trou noir lui-même, il est sombre, on ne le voit pas, hein, il est complètement noir. Mais par contre, il est entouré d'un gaz très chaud qui est en train de tomber dans le trou noir, et donc qui tourne autour de lui à une très très grande vitesse. Et comme il tourne très vite, eh bien, il y a beaucoup de frottements, et il se met à chauffer à des très hautes températures, et on le voit avec Gravity. Donc ce qu'on observe, quand on regarde le trou noir avec Gravity, eh bien on voit une source très petite, qu'on ne résout pas, mais par contre qui se déplace très légèrement. C'est-à-dire on voit un petit déplacement du centre de lumière du trou noir, et ce déplacement-là, en fait, il vient du gaz qui tournoie autour du trou noir avant de plonger à l'intérieur pour une partie de ce gaz. Si on doit maintenant mettre un petit peu en relation ces travaux-là avec les résultats récents qui ont été publiés, cette image assez saisissante du trou noir Sagittarius à étoiles, comment vous conjuguez en tant que chercheur ces approches avec Gravity et les approches de l'EHT ? Déjà, ces deux instruments observent à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils observent le gaz qui tourne autour du trou noir. Donc ça, c'est très intéressant, parce que c'est deux manières de voir ce gaz et la manière dont il se déplace autour du trou noir, à deux longueurs d'onde différentes, donc dans le domaine millimétrique pour le Event Horizon Telescope, pour l'EHT, et dans le domaine infrarouge pour Gravity. Gravity a cet avantage par rapport à l'EHT de pouvoir faire des mesures plus rapide, c'est-à-dire qu'il permet de suivre le déplacement du gaz qui est très rapide autour du trou noir et de voir presque en temps réel le déplacement de ce gaz autour du trou noir. Il faut savoir que le gaz qui orbite autour du trou noir, il est très près et il tourne à peu près en un quart d'heure autour du trou noir. Donc c'est une orbite qui est très très courte. Et en observation millimétrique avec l'EHT, il n'est pas possible d'obtenir une image avec un temps aussi court. Alors qu'avec Gravity, bon, certes, on n'obtient pas une image, on obtient une position astrométrique, mais on peut le faire de manière beaucoup plus rapide et observer donc ce déplacement au cours de quelques minutes, hein, quelques dizaines de minutes, de la matière autour du trou noir. Quelles sont maintenant les prochaines études qui vont être menées en lien avec ce trou noir Sagittarius à étoiles avec Gravity ? Si tant est qu'il y ait d'autres études de prévues, j'imagine que oui. Et si oui, quelles seront les questions que vous allez poser à Sagittarius à étoiles ? Il y a plusieurs études qui sont prévues et en cours. Hein. Une première étude, c'est de poursuivre l'étude des orbites des étoiles autour du trou noir. On a découvert de nouvelles étoiles proches du trou noir et donc qui sont de nouvelles cibles pour des mesures astrométriques de grande précision qui nous permettront de préciser la masse du trou noir. Donc un autre objectif tout à fait critique, c'est le spin du trou noir. Le spin du trou noir, c'est simplement sa rotation propre. Alors, il est très vraisemblable que cet objet tourne sur lui-même, à une vitesse qui n'est pas encore connue. Donc, la détermination du spin du trou noir, c'est un sujet très important pour caractériser au mieux cet objet, sachant qu'un trou noir qui tourne très rapidement ou un trou noir qui ne tourne pas, eh bien, il n'a pas la même forme, il n'a pas le même aspect visuel. Donc, c'est un problème physique tout à fait passionnant. Voilà l'observation de ce trou noir supermassif de la Voie lactée Sagittarius à étoiles via l'instrument Gravity du VLT. Une réaction, Françoise Combat, est-ce que vous voulez entendre? Oui, c'est passionnant en fait. Ils ont bien en effet vu le petit nuage de gaz qui tourne autour, alors qu'évidemment le HT fait une intégration sur plusieurs heures, donc ne voit que la moyenne. Et donc je voudrais aussi préciser que le spin du trou noir, donc qu'on essaie tous de chercher, c'est-à-dire la façon dont, tourne sur lui-même, il peut tourner dans le même sens ou pas que le gaz qui tourne autour, ça peut être en contre-rotation ou en rotation rétrograde. Et en fait, on va le savoir car lorsque un trou noir tourne, comme la gravité c'est une déformation de l'espace, le trou noir en tournant déforme, oblige l'espace à tourner aussi avec lui, ce qui n'était pas vrai dans la gravité de Newton. Là, l'espace est obligé de tourner et donc tout le disque d'accrétion est obligé de tourner aussi. Et donc finalement, ça impose une rotation et un couple en fait de gravité sur le disque d'accrétion, qui fait qu'il est possible au gaz d'arriver plus près du trou noir que s'il n'y avait pas de spin du tout. Donc s'il n'y a pas de spin, on a un cercle maximum où le gaz peut être stable. On appelle ça la dernière orbite stable autour du trou noir. C'est assez loin de l'horizon. Et puis, s'il y a un spin positif, au grand maximum 1, par exemple, c'est entre 0 et 1. Et si on a 1, alors on peut aller trois fois plus près que l'horizon, en fait, que l'orbite stable, pardon. Oui, que l'orbite stable, parce que l'horizon des événements, oui, c'est ce dont rien ne peut sortir. Et donc, on va beaucoup plus près. Alors qu'à part si la rotation est rétrograde, s'il est en contre-rotation, au contraire, l'orbite stable est éloignée. Donc, sur la position du gaz, si on l'a avec précision, parce que pour l'instant, vous avez vu, l'image est floue, donc elle n'est pas précise, si on peut l'avoir avec précision, on aura vraiment avec précision le spin, s'il est dans le même sens, et quelle est l'amplitude du spin. Ça, c'est important pour savoir comment sont formés les trous noirs, par fusion de trous noirs, etc. David Elbaz, sur ces résultats de Gravity. Oui, Gravity, c'est vraiment extraordinaire parce que, en fait, on peut se dire que c'est plus petit, entre 130, 200 mètres par rapport à 10 000 kilomètres du côté de l'EHT, mais en réalité, la longueur d'onde à laquelle regarde Gravity, c'est environ 2 micromètres et celle de l'EHT, c'est 1300 micromètres. Et donc, ça se contrebalance presque exactement à un facteur 2 près. La précision est presque la même. Du fait que, dans tous les cas de figure, on regarde des particules de lumière suffisamment grandes pour enjamber les grains de poussière. Un grain de poussière, ça a une taille de l'ordre du micromètre. Donc, quand on est au-dessus du micromètre, typiquement, on a des jambes assez grandes pour passer à travers et pour enjamber les grains de poussière. C'est ce que font les photons qui nous arrivent. Et les images de Gravity, enfin, les informations qui viennent de Gravity, vraiment sont là, étaient déjà scientifiquement la preuve que la théorie de la relativité était vérifiée à ces distances-là. Et donc, l'image est venue confirmer cela. Mais la combinaison des deux rend maintenant vraiment inévitable la conclusion que le trou noir existe, alors que même si on vit avec les trous noirs depuis des décennies, on pouvait encore résister à leur existence. Moi, je me rappelle que quand je faisais ma thèse, certains scientifiques proposaient d'expliquer l'émission de lumière toute puissante qu'il y a au centre des quasars, non pas par des trous noirs, mais par une très très grande agglomération de jeunes étoiles qui viennent d'être nées, des flambées très compactes d'étoiles. C'était débattu. Là, maintenant, c'est un des rares moments où on a une réponse quand même assez définitive. Alors, on a la réponse définitive sur l'existence de ces trous noirs supermassifs. Il reste encore quelques questions qui étaient évoquées d'ailleurs à l'instant et quelques réponses ou quelques nouvelles portes, en tout cas, ouvertes. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs en science et en astrophysique. Hein, on obtient des réponses qui ouvrent d'autres questions. Notamment, Françoise Combes, l'une des premières questions, et vous l'évoquiez à l'instant, ou en tout cas, vous posiez les bases de cette question-là, c'est que ces trous noirs supermassifs, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont là depuis très longtemps, mais on ne sait pas du tout comment ils peuvent être là et comment, par quel processus ils se forment et quel est le lien d'ailleurs qui les unit aux galaxies, puisqu'on les constate dans à peu près toutes les galaxies que l'on observe. Oui, on a quelques idées quand même, hein. On n'a pas complètement ignorant, mais vraiment, on n'a pas tout confirmé. Mais c'est vrai qu'il semble que les trous noirs évoluent avec la galaxie, en symbiose. Donc la masse est proportionnelle. Oui. Alors pourquoi? Et ça c'est universel, c'est quand même assez surprenant. C'est la masse du trou noir central est proportionnelle à la masse de la galaxie. Du bulbe en fait, bulbe, oui. Pas du disque en fait. S'il n'y a qu'un disque, il n'y aura pas de trou noir, mais c'est le bulbe. Et on pense que, alors pourquoi? Parce que la masse du trou noir est toute petite en fait, hein, 4 millions, alors que pour la galaxie c'est plutôt 10 puissance 10 en fait, donc 10 000 fois plus. Donc la masse, c'est pas avec sa masse qu'il va jouer sur la galaxie, qu'il va influer sur la galaxie, c'est sur son énergie. Alors l'énergie, lorsqu'il avale vraiment toute la masse qu'il pourrait avaler, on peut avoir un quasar, donc, et ce quasar peut rayonner 1000 fois plus que toute la galaxie réunie, que toutes les étoiles, les 200 milliards d'étoiles. Donc, c'est par son énergie. Il a une énergie tellement grande que, rien qu'en un seul point, il peut éblouir la galaxie et même, par sa pression de rayonnement, si c'est très fort, éjecter tout le gaz et empêcher la galaxie de former des étoiles. Donc, il régule la formation d'étoiles et on pense que c'est pour ça, cette régulation, qui fait que il y a une proportionnalité de masse. C'est-à-dire que s'il y a un trop fort trou noir qui accrète beaucoup de gaz, il va arrêter la croissance de la galaxie jusqu'à ce que ça se régule, ça t'autorégule. Et on sait aussi que peu à peu, les trous noirs se forment, même très massifs, très tôt dans l'univers. Ça, on a encore quelques questions, parce qu'on pensait que les plus gros trous noirs seraient seulement aujourd'hui, par fusion respective de tous les trous noirs qui se sont formés, hein, la fusion de galaxies entraînant la fusion de trous noirs. Mais on s'est aperçu que très tôt dans l'univers, on avait aussi des milliards de masses solaires pour les trous noirs qui forment les quasars dans les premières milliards d'années après le Big Bang. Donc, on a quand même des théories pour savoir que dans certains environnements, on peut accréter beaucoup, beaucoup de gaz. Et puis dans d'autres, comme le nôtre, eh bien, le trou noir jeûne, en fait, il ne mange pas tout ce qu'il pourrait manger. Donc, on a. Il jeûne avec un accent circonflexe, il n'est pas jeune, mais c'est ça, parce qu'il est assez jeûne, ancien. Voilà, oui, exactement, d'accord. Il ne mange plus. Et tout simplement, parce que dans un environnement où il n'y a plus de gaz, dans les filaments cosmiques, par exemple, qui pourraient le rajeunir et le faire manger un petit peu et le faire grossir, en quelque sorte. Donc, on commence à comprendre comment il se forme, mais on aimerait un peu mieux savoir quelle est la proportion de gaz qui accrète des filaments cosmiques et puis aussi de la fusion de galaxies qui font fusionner les trous noirs et qui forment des plus gros. Des plus gros trous supermassifs. David Elbaz, sur cette origine et quand même ce qui reste encore relativement mystérieux, surtout des trous premiers trous noirs supermassifs que l'on observe dans des galaxies très lointaines avec un très grand redshift, on constate qu'il y a déjà des trous noirs supermassifs qui sont formés. Vous avez quelques pistes également pour compléter ce que vient de dire Françoise Combes? Oui, alors c'est vrai que ça c'est un très très grand mystère, même si on a des idées, on n'a pas de théorie qui soit reconnue par tous aujourd'hui. Le trou noir c'est une machine capable de convertir la gravité en lumière. Ça c'est quelque chose qui est assez dingue. Si vous prenez de la matière et qui est attirée par le trou noir, et donc il y a une force de gravité, et ce que fait le trou noir c'est que l'énergie associée à cette gravité, il l'a converti en lumière avec une efficacité d'environ 10%. Donc c'est ça la source de lumière du trou noir. Ça vient pas de ce qui est à l'intérieur du trou noir puisque rien ne peut en sortir. C'est de la conversion de la gravité en lumière. Donc ça c'est la première chose. C'est 10% de la gravité en lumière. Et au cours de l'histoire de l'univers, on a pu collecter de la lumière qui vient de toute l'histoire de l'univers, qui vient de tous ces processus-là. Et on se rend compte qu'effectivement, on reçoit de la lumière qui est libérée par la gravité convertie en lumière et qui montre que les trous noirs grossissent au cours du temps. Et donc, il serait tentant de penser que les trous noirs les plus massifs sont ceux qui ont eu le plus de temps pour grossir. Et puis, la découverte de ces trous noirs supermassifs de milliards de masses solaires qui semblent exister dès le premier milliard d'années après le Big Bang suggère que non, ça a dû se passer très vite, très tôt dans l'histoire de l'univers. Et ça reste quand même assez difficile à expliquer. On a des pistes avec des étoiles massives qui pourraient fusionner, des trous noirs primordiaux qui pourraient naître, etc. Mais ça reste quand même une grosse énigme, ça et le lien qu'il y a entre le trou noir et ces fameux bulbes. Vous savez, quand on parle du bulbe, ce sont des régions où il n'y a pas eu de naissance d'étoiles depuis des milliards d'années. Mmh. Et donc, il y a une étrange coïncidence, c'est que là où il y a ce trou noir, on est dans un désert cosmique où il n'y a plus de naissance de nouvelles étoiles. Et donc, on a tendance à accuser le trou noir d'être un tueur de galaxies, de par sa puissance lumineuse, de vider la galaxie de sa matière. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il a peut-être joué un petit rôle, mais qu'on accuse un peu trop rapidement le trou noir, et que, en fait, c'est un coupable idéal, mais qu'en réalité, il y a plein d'autres processus physiques qui entrent en ligne de compte, et donc je fais partie de l'association qui tente de réconcilier, de sauver un peu l'image du trou noir. Votre opinion à ce sujet, Françoise, est-ce que vous partez de la même association que David Elbaz? Non, peut-être pas. Moi, je pense qu'ils sont coupables, hein. Je vais le juger coupable. Voilà, on fait le procès des trous noirs supermassifs, on est presque voilà, dans un spectacle digne de Robert Hossein. Jugé à la oui, fin. Oui, parce que tout de même, je pense que c'est vrai, quand on voit que dans les amas de galaxies, par exemple, on a un trou noir central dans la galaxie, la principale de l'amas, et on voit de nos yeux, hein, ça c'est une preuve devant le jury, c'est que on voit le jet qui est amené par ce trou noir et qui repousse toute la matière. Alors en fait, la matière, c'est encore plus dans l'amas de galaxies. La matière est surtout dans le gaz très chaud d'un million de degrés qui fait un rayonnement X et qui fait encore plus de matière que ce qu'il y a dans les galaxies. Donc il repousse toute cette matière et on voit les cavités qu'il fait. Il fait des trous dans cette atmosphère très chaude. Et donc on a la preuve que ce trou noir repousse le gaz et empêche les galaxies de former ces étoiles. Ça, on le voit. Alors on ne va pas trancher ce débat. On va faire comme dans les spectacles de Robert Hossein. On va laisser le public juger à la fin. Est-ce qu'on condamne ou pas les trous noirs? Pour conclure, peut-être un mot. Quelle est la suite maintenant? Puisque l'EHT, l'Event Horizon Telescope, vient de... On l'a dit, hein, c'était une campagne d'observation de 2017 pour obtenir ces données, celles de et ces images, celles de M87 étoiles et celles de Sagittarius A étoiles. EHT vient de refaire une campagne d'acquisition, donc en mars 2022. David Elbaz, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que ça va être mieux, plus précis? Quelle différence par rapport à celle de 2017? Alors maintenant, il y a 11 observatoires plutôt que 8. Hein. Donc on espère voir un film qui combine les images de Sagittarius A star pour voir un peu la dynamique du gaz qui tombe autour du trou noir. Ça, c'est une des choses qu'on espère. On espère aussi que l'Event Horizon Telescope pourra étudier d'autres noyaux actifs. On pense qu'il n'aura pas la capacité de voir l'ombre d'un autre trou noir. Peut-être celui de la galaxie Andromède, mais c'est pas du tout sûr. Et sinon, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt d'aller voir un peu la physique, justement, de ce qui est en cause dans l'émission de ces jets de matière que Françoise accusait. Et donc je dirais que, en fait, il empêche la matière de tomber, donc de le ressusciter, mais il ne la tue pas. Mais donc, dans le futur, un film à attendre, à mon avis, assez rapidement. Françoise Combes, la suite, effectivement, qu'est-ce que vous attendez? Oui, je pense qu'ils vont regarder d'autres noyaux actifs que Messier 87, donc des noyaux beaucoup plus actifs, donc ça permet d'aller plus loin. Alors maintenant, Andromède, c'est vrai que c'est tentant, parce que Andromède a un trou noir qui est 30 fois plus massif que celui de notre propre galaxie, et puis il est, il n'est pas 30 fois, mais plutôt 60 fois plus loin. Donc on a un facteur 2, mais enfin, oui, on aura peut-être aussi... C'est-à-dire la résolution angulaire sera comparable. Divisé par 2, donc ça, voilà. Donc on pourrait le faire. Pourrait le faire, et puis peut-être... Alors le problème, c'est que dans Andromède, il n'est pas actif non plus. C'est comme le nôtre. C'est-à-dire que la luminosité, il accrète un petit peu de masse quand même, mais il est un milliard de fois en dessous du taux maximum de masse qu'il pourrait accréter. Un peu comme notre galaxie, c'est pareil. C'est un milliard de fois moins. Donc on a quelque chose qui est quand même plus loin et qui est aussi actif que le nôtre. Donc il faudra intégrer plus longtemps. Mais je pense que c'est possible de faire Andromède. Mais du coup, on a attendu 5 ans pour les résultats pour M87 et pour Sagittarius A étoile. Vous pensez qu'il va falloir attendre encore mars 2022, ça veut dire non, des je résultats pense fait, comme ça, disait ça peut David, on a plus d'antennes. Là, on a surtout Noema qui est près de Grenoble, là, qui a 12 antennes de 15 mètres, qui rentre dans le jeu, alors que pour l'instant, il n'était pas encore en 2017. Donc, on a Noema, et puis on a beaucoup d'autres télescopes. Et puis surtout, maintenant, l'équipe est rodée. On a des simulations. On a des milliers et milliers de simulations, donc on peut les faire tourner beaucoup plus rapidement. Je pense que ça ira plus vite, quand même. Eh bien, espérons. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci David Elbaz, merci Françoise Combes d'être venu nous expliquer un peu l'origine et les résultats que nous ont livré l'Event Horizon Telescope et l'ESO avec cette image de Sagittarius A étoile. La méthode scientifique, c'est Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Amel Boucherka, Céline Lausanne, Eve Etienne, Vivian Lecuivre à la réalisation, Marie-Claire Mabadi à la technique, et comme toujours, la méthode scientifique scientifique. C'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.